Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne? Écrit et enregistré par Sabine Huchon. Chaque année, au mois d'octobre, la maîtresse de la classe de maternelle emmène ses élèves en forêt. Les parents peuvent lire sur une affichette de la porte d'entrée « Demain, promenade en forêt. N'oubliez pas de prévoir pour vos enfants un vêtement de pluie, des chaussures de marche et un grand sac en plastique. » Et comme chaque année, les enfants fabriquent des tableaux de feuilles qu'ils ont ramassés dans les bois. La maîtresse accroche toutes les œuvres d'art dans le couloir pour que tous les papas et les mamans puissent les admirer. Les enfants sont très fiers. Alors, chaque année, comme les enfants de la maternelle sont trop petits pour attraper les feuilles sur les branches, tous les arbres laissent tomber leurs feuilles par terre pour que les petits enfants n'aient plus qu'à se baisser pour les ramasser.